La Corée concentre tous ses efforts à la campagne de rétablissement des régions sinistrées au nord de la province du Hamgyong du Nord. Les mines de la province du Hwanghae du Nord, y compris celle de Saryun, dépassent tous les jours à plus de 120% le plan de production du charbon nécessaire aux usines et entreprises, animé pour l'augmentation de la production des équipements, des matériaux et des articles de consommation courante destinés aux sinistrés. L'usine des isolateurs de Gyeongsong a fabriqué des milliers d'isolateurs pendant quelques jours seulement pour les envoyer à la station de transmission et de distribution d'électricité de la province du Hamgyong du Nord et à la direction des chemins de fer de Tongjin afin de normaliser l'alimentation en électricité, alors que l'usine de fils électriques 326 de Pyongyang a terminé la production des fils pour les régions sinistrées. Le complexe de ciment de Suncheon a produit en un peu plus d'une semaine plus de 5000 tonnes de ciment et organise bien le travail pour l'expédier sans tarder au chantier de relèvement des régions sinistrées. En outre, plusieurs usines et entreprises, notamment le complexe de machines lourdes de Daehan et l'usine des isolants d'Anzhou, livrent aussi la campagne pour l'augmentation de production afin de remporter la victoire dans la transformation du mal en bien dans le relèvement des régions sinistrées.